Vroom vroom. Il y a quelqu'un ! Salut. Pourquoi t'es venu ici ? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission ! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission ! Fadjet. Nous retrouvons Benoît en direct du palais de Ça ira mieux demain, où les chandeliers sont restés à la cave. Ceci pour économiser les bougies. Exactement, parce que moi j'applique les mesures gouvernementales. Nous avons baissé à Fadjet les lumières et ça se voit. Ou pas, parce que vous pouvez croire que la maison n'est pas habitée et que nous ne faisons pas nos émissions directes, mais je vous jure, nous sommes bien là. Mais il n'y a pas un brin, à part Laurent qui est illuminé, il s'est déjà déguisé en sapin de Noël. Quel sapin ? La maison est plutôt dans l'obscurité. Alors, au programme de Ça ira mieux demain, à part cette magnifique, ce magnifique samedi qui s'annonce, on croise les doigts, nous aurons dans le palais, nous découvrons la bande-annonce de 1899, une série Netflix, dont on reparlera, si on a le temps, tout à l'heure. Notre focus de ce vendredi soir, le parloir, ce sera sur Dahmer. Alors, il fallait que je passe Dahmer tout de suite parce qu'après, on va arriver dans vraiment la période de Noël au mois de décembre. Je n'allais quand même pas vous parler d'une série sur un serial killer pendant le mois de décembre. Donc, j'ai dit vite, il faut en parler aujourd'hui, sinon, on n'en parlera plus. Une série très très difficile et personnellement je ne le dis rarement, mais là je n'ai pas été au bout. Ah, carrément. Donc voilà, moi ça m'est arrivé pour la série Le Serpent qui était sur Netflix, si je ne me trompe pas. J'ai vu les premiers épisodes et j'ai stoppé. Et pourtant, je vais pas vous dire, j'allais dire, vous savez tous que je suis un grand fan de Dexter, mais de la série, pas du personnage en lui-même. Et même de son personnage. Ah, quand même. Mais dans, parce que il y avait quand même quelque chose de bon derrière Dexter, qui a été, le personnage a été fait en sorte que, il ne tuait en général que des personnes qui avaient déjà fait du mal ou des choses. Là, dans Dahmer, on est dans un autre registre et donc je vous en parlerai plus dans quelques instants. On commence en musique et je reviens un peu au foot parce que je voudrais vous parler de cette magnifique cérémonie d'ouverture sur la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde de football. Dimanche, c'était magnifique. Des très beaux tableaux. Et c'est vrai que si on ne connaît pas toute l'histoire qu'il y a derrière le Qatar, on aurait pu dire quel beau pays qui prône des belles images à travers le monde sur un pays avec plein de valeurs. Alors c'est vrai, quand on sait tout ce qu'il y a autour, on se dit, comme toujours, c'est la télévision, c'est le monde que l'on veut nous montrer et on ne regarde surtout pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, c'était une très très belle cérémonie. Et je vais vous présenter la chanson officielle de cette Coupe du Monde, qui est très belle, qui est chantée par un des chanteurs de BTS, qui s'intitule Jungkook. Il chante avec un chanteur qui est hyper connu dans son pays, là-bas au Qatar, Fahad Al-Kubaisi. La chanson s'appelle Dreamers. C'est une très très belle chanson qui a été écrite pour l'ambiance mondiale, comme on a eu Shakira il y a quelques années, toutes les chansons du mondial. Mais ce qui est intéressant, la petite histoire, et si vous avez regardé cette chanson chantée en direct par ces deux chanteurs et notamment Jungkook, eh bien on s'est demandé qui allait chanter. On avait évoqué encore le retour de Shakira, on avait demandé à Rod Stewart, on avait demandé à plein de gens de venir chanter et ils ont tous refusé pour les raisons que l'on sait et de tout ce qui s'était passé. Lui, il a accepté, mais il faut dire que ce jeune chanteur a eu quand même beaucoup de mérite. parce qu'il a dit, il a eu la chanson quasiment la veille. Mmh. Il a fallu donc qu'il apprenne la chanson et qu'il s'entraîne, qu'il apprenne à danser. Il a dit la nuit, il a dit je rapprenais, j'essayais, je faisais dans ma chambre d'hôtel, j'essayais d'attraper, de faire des pas de danse et tout. Il était pétrifié pendant la cérémonie et franchement, ça s'est pas vraiment vu. Il a dansé, il a fait le show. Alors, rien que pour ça, ce jeune chanteur a du mérite. Et du talent. Du talent, et il a fait le taf. Alors, on pourra dire ce qu'on veut de ces groupes un peu, parce que les BTS, c'est comme un peu, on dit, des groupes un peu préfabriqués en modèle coréen. Mais il a fait le taf, et franchement, ça vaut l'écoute. Et je vous le présente donc. Cette chanson s'appelle Dreamers, et c'est chanté par Jungkook, un des chanteurs de BTS, et Fahad Al-Kubezi, une star au Qatar, qui pour l'instant n'a pas trop franchi les autres pays. Peut-être qu'avec la mise en avant par la Coupe du Monde. Et donc, vous l'imaginez bien, hein, si vous n'étiez pas, donc vous aviez donc notre jeune Coréen habillé un peu à la Michael Jackson. Hein, on le compare un peu à Michael Jackson dans ses gestes. Et puis à côté, vous aviez le mec en turban, couleur locale, quoi, comme dirait un animateur célèbre de Fadjet. We are we believe it. Monsieur Haute 40, j'aurais une question. Oui, monsieur. Est-ce que ce son est typiquement le son qui est diffusé sur les radios au Qatar, ou est-ce qu'ils ont choisi ce son, ce style de chanson pour vraiment avoir un hymne à l'international? Ah non, alors c'est ce que j'allais te dire un peu en complément, c'est que la chanson elle est fabriquée donc par la FIFA, par l'organisation. Ouais. Et c'est vrai que on imagine très bien chanter cette chanson-là par Shakira ou par quelqu'un d'autre. Donc elle a été formatée pour certaines personnes. Et en fait, je sais pas si on entend que ça fait un peu. Elles font un peu consonance arabe. Oui. Il y a une musicalité du pays. Et c'est ça, la force un peu de ce groupe. Je ne sais pas qui, j'ai pas les paroliers, enfin, ou ne plus la musique, ceux qui ont fait la musique, pardon. Mais en Afrique, elle avait une connotation africaine. Au Brésil, et il y avait une connotation africaine, enfin, brésilienne. Je ne me rappelle plus de celle de Russie il y a 4 ans. Mais voilà, ils essayent de coller un peu au pays. Donc là, c'est pas du tout une production du Qatar, mais donc ils ont cherché à associer un chanteur du coin, et on l'entend, c'est lui qui parle arabe et qui chante la partie arabe. Bah, je trouve que ça se marie bien. Ça se marie très bien. Alors c'est vrai que les paroles, c'est les paroles. Nous sommes tous des rêveurs, nous rêvons à un monde meilleur. Enfin, c'est pour ça que quelquefois on peut se dire, voilà, c'est une façade, et c'est bien dommage que tout ce qu'on chante souvent, enfin, c'est valable souvent partout, réalité est différente. Je voudrais quand même souligner un truc. Je suis le premier. Hein, moi, voilà, autant les autres coupes du monde, même si je suis pas un fan de foot, je regardais certains matchs. Là, je l'avoue, jusqu'à présent, même l'équipe de France, on n'a pas regardé. Donc voilà, moi j'ai un blocage, mais ça n'en regarde que moi. Il y a quand même eu 12 millions de téléspectateurs pour le match avec la France. Voilà, je peux concevoir qu'on adore son équipe, qu'on soutient son équipe. Et moi-même, j'ai mis en avant voilà, les travers, les problèmes qu'il y a du côté du Qatar. Mais il faut quand même parler aussi que c'est un pays qui mute quand même, qui change. On a vu un reportage où des Français travaillent au Qatar depuis des années. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Donc, au regard d'un autre pays qui, en ce moment, est en train de faire une chose horrible... voilà, on peut à un moment donné se dire, voilà, il y a ça qui va pas, mais il y a quand même ça qui va bien. Donc voilà, prenons ce qui peut être positif. On parlait tout à l'heure des stades qui pourraient être offerts aux pays qui n'ont pas les moyens. Donc voilà, si réellement des pays qui n'ont pas les moyens d'avoir des stades peuvent avoir quelque chose de cette Coupe du Monde, ça serait un point positif en plus qu'on pourrait récupérer sur cette histoire. Merci Laurent de ces précisions. Passons maintenant au cœur du sujet. Là, on ne va pas non plus aller dans la bonté, hein, la bonté humaine. Là, on est aux antipodes de la bonté humaine. Voici notre parloir de ce soir sur Demeure. C'est pas moi qui fais la série, je vous rappelle. Et on en sortira à un moment donné de ces histoires de... Bah, le problème, c'est que ça fonctionne... c'est pas un problème, mais ça plaît, quoi. Donc du coup, les serial killers, ça plaît pas mal. Hein. Ça ira mieux demain. L'émission diffusée sur Netflix, la série Dahmer, Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, rencontre un énorme succès sur la plateforme, au point d'avoir signé un démarrage historique. Depuis le 21 septembre dernier, il est donc possible de regarder la série Dahmer, l'histoire de Jeffrey Dahmer sur Netflix. Le programme revient sur la vie du tueur en série Jeffrey Dahmer, qui a fait pas moins de 17 victimes, tous des jeunes hommes entre 1978 et 1991. Arrêté en 1991, le cannibale de Milwaukee, comme on le surnomme, trouvera la mort en détention en 1994, battu à mort par un autre prisonnier. Le programme de Netflix nous montre Evan Peters incarnant le tueur en série. Un Evan Peters déroutant qui interprète ce monstre d'une manière assez exceptionnelle. En une semaine, La série a connu près de 196 millions d'heures de visionnage. Il s'agit du cinquième record le plus important pour un programme de Netflix. Depuis, la série plafonne aux premières places des visionnages un peu partout dans le monde. Cependant, de nombreuses personnes se plaignent de l'œuvre, dont les familles des victimes, qui estiment qu'elles auraient dû être prévenues auparavant d'un tel projet. Si les tueurs fascinent l'industrie du film, les proches des victimes ont du mal à y voir un quelconque divertissement. C'est ce qu'ont tenu à faire savoir plusieurs personnes qui ont connu les hommes tués par Jeffrey Dahmer, alors qu'une série lui est consacrée. Réalisée par Ryan Murphy, Monster, The Jeffrey Dahmer Story revient en 10 épisodes sur le parcours du serial killer. Et on y est. Bienvenue chez moi. Oh. C'est quoi cette odeur ? Que vous faites là-dedans, hein? Les mauvaises odeurs et les outils électriques à n'importe quelle heure de la nuit. J'entends des cris, ça vient de votre appartement. J'essaie de faire la paix, c'est tout. Vous ouvrez pas votre cadeau. Manger le sandwich. Je sais pas ce qu'il y a dedans. De la viande. Je ne le mangerai pas. Je voulais faire un truc gentil, c'est tout. Vous êtes comme ma mère. Toujours à me balancer alors que j'ai rien fait de mal. Je vous ai appelé pendant des mois. C'est trop tard. Vous êtes venu trop tard. Mangez-le. Incarné donc par Evan Peters à l'écran, le criminel a été reconnu coupable de 16 meurtres sur les 17 qu'on lui connaît. Arrêté en 1991 à Milwaukee, dans le Wisconsin, Jeffrey Dahmer a tué et démembré ses victimes, la plupart étant des hommes de couleur, dont certains mineurs, à partir de 1978. Il choisissait ses proies notamment dans les bars gays avant de les attirer chez lui. Parfois nécrophile et cannibale, il gardait certains membres de ses victimes en souvenir. Comme l'explique Scott Gunkel à la Fox, la série ravive un certain traumatisme pour la communauté LGBT de Milwaukee. Lui-même, militant LGBT travaillant dans un bar gay de la ville, il a croisé la route du meurtrier et certaines victimes étaient des habitués de son établissement. Ils avaient tous des familles. C'est malheureux qu'ils aient en permanence ces nouveaux films et séries qui sortent. C'est difficile de tourner la page, ajoute-t-il. C'est ce que confirme le cousin d'Errol Lindsay, l'un des hommes assassinés, alors que le témoignage de Rita Isbell fait le buzz sur la toile. La sœur de la victime avait perdu son sang-froid face à Jeffrey Dahmer lors du procès. une scène recréée dans la série. Je sais que les true crime cartonnent en ce moment, mais si les victimes vous intéressent, ma famille, dit Isabelle, est en colère contre cette série. Ça fait revivre le traumatisme encore et encore. Et pourquoi ? De combien de films, séries, documentaires avons-nous besoin ? A-t-il déclaré sur Twitter. Pensez aux victimes. Les crimes de Jeffrey Dahmer et sa vie ont été transposés à l'écran de nombreuses fois déjà, notamment dans Dahmer, un film de 2002 avec Jeremy Renner dans le rôle-titre, ou encore My Friend Dahmer en 2017, avec Anne Hecht incarnant la mère du meurtrier. Ne parlons pas des livres qui ont également été écrits sur le serial killer. Comme le rappelle l'acteur Sean G. Brown qui interprète Tracy Edwards, la victime ayant réussi à échapper à Jeffrey Dahmer dans la série Netflix, je ne suis pas naïf sur le fait que les meurtres et les true crime font sensation. Cependant, quand vous regarderez la série, de vous souvenir que ces hommes étaient des fils, des meilleurs amis, des cousins, des oncles, avec des rêves, des espoirs et des buts qu'ils n'ont pu concrétiser. Alors, entre 1978 et 1991, Jeffrey Dahmer a donc assassiné 17 jeunes hommes âgés de 14 à 32 ans. Mais une question se pose, comment le cannibale de Milwaukee a-t-il pu échapper à la police pendant 13 ans et tuer, dépecer, violer et parfois dévorer 17 jeunes hommes? Tout cela sans jamais attirer l'attention de la police. Pourtant, les signes étaient là. À plusieurs reprises, la voisine de Jeffrey Dahmer, Glenda Cleveland, a contacté les autorités pour leur faire part du comportement étrange de son voisin de palier. On le voit même très bien au début de la série. Elle a même signalé l'odeur cadavérique qui émanait de son appartement. Néanmoins, ces appels n'ont jamais été pris au sérieux. Par ailleurs, le parcours criminel de Jeffrey Dahmer n'a pas été sans erreur. Le 27 mai 1991, Conera Cinta Thompson, 14 ans, est parvenue à s'échapper de son appartement après avoir été droguée à son insu. Trois jeunes femmes ont alors tenté de lui venir en aide, mais Dahmer a expliqué à la police que Conrack était son amant et qu'il avait alors trop bu. Sous emprise, l'adolescent n'a pas réussi à plaider sa cause. Les policiers l'ont alors ramené chez son bourreau, permettant à Dahmer de finir son sinistre travail. Tout cela est magistralement montré dans la série de Netflix, qui revient aussi sur la jeunesse de Dahmer et ses rapports avec ses parents. Vous avez bu ce soir ? J'ai bu seulement deux bières. Y a quoi dans les sacs poubelles ? C'est des déchets du jardin. T'as 18 ans, c'est ça ? Donc t'as toute ta vie devant toi. Et j'ai pas l'intention de la foutre en l'air en t'arrêtant ce soir, t'as compris ? Fous-moi le camp d'ici. Bonsoir, ici Glenda, Cleveland. Pourriez-vous envoyer quelqu'un aux appartements Oxford rapidement ? Quelqu'un est en train d'agoniser ou d'être tué. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Madame Cleveland ? Votre travail ! Je peux écouter ton cœur qui bat. Je veux entendre ton cœur. Vous méritez une deuxième chance. Eh bien, vous pouvez vous réjouir parce que je compte vous l'accorder. Et quand vous aurez purgé votre peine, j'espère que vous aurez retenu la leçon et que vous reviendrez dans le droit chemin. Ce mec est passé à deux doigts de me tuer. Et vous, vous me dites que vous allez rien pouvoir faire du tout. Oui. Je vous ai appelé pendant des mois. Pendant des mois. Un homme est en train de se faire tuer. C'est comme si les gens n'avaient aucune valeur. On a beau faire tout ce qu'on peut, on nous écoute jamais. Donc vous dites que l'une des victimes avait réussi à s'échapper et que deux de vos hommes l'ont ramené chez Dahmer. Non, attendez, vous n'allez quand même pas le laisser ramener le petit chez lui? Laissez-nous faire notre boulot. supporte pas de voir ta sale gueule. Regarde-moi. Regarde-moi, je te dis, sale fils de pute. Je le savais, oui. Mais personne ne m'a entendu. Une série qui interpelle, qui dérange, tant le personnage est glauque. Aucune empathie envers ce personnage ignoble et complètement dérangé. On remerciera toutefois Murphy et Ian Brennan, les auteurs de la série, de nous avoir évité les scènes trop gore. Reste la musique, qui pourrait sembler une évidence, mais qu'on n'écoutera jamais plus tout à fait comme avant, notamment Enigma et son sadness. Et les sujets sur Jeffrey Dahmer ne sont pas terminés, car après la série en 10 épisodes, Netflix propose un documentaire en 3 volets exploitant des archives sonores inédites. L'avocate de Dahmer a en effet enregistré 32 heures de confession, forcément révoltante à entendre, mais aussi glaçante et instructive. De quoi poursuivre les aventures de Jeffrey Dahmer sur Netflix, si cela vous dit. Un sacré tube, hein, que l'on retrouve donc dans cette bande originale de Dahmer, qui est bonne, hein. La bande originale est très très bonne. C'est toute cette voilà, c'est antinomie entre ce personnage horrible et les musiques qui sont quelquefois plutôt entraînantes et voilà, donc Guirette. Et voilà, Guirette, c'est ça, tu l'as bien dit. Ce qui est Guirette, c'est bien la suite, c'est notre palais. On enchaîne avec notre palais, on déborde un petit peu. Hein. Oui, on s'excuse. On s'excuse, hein, mais on a eu l'autorisation. Bienvenue au palais. Alors attention, je vais vous parler. Tu peux si tu veux. Bah, Fais-toi plaisir. Elle est partie. Fais-toi plaisir. Il faut que je la remette. Parce que j'ai stoppé, j'ai fait une mauvaise manip et c'est parti. Voilà, tu as raison, un peu de douceur après avoir parlé de Serial Killer. Vous entendez en avant-première la musique du Hot 40 spécial Noël qui commence donc dans 28 minutes maintenant. Notre parloir a vanté un peu la violence malheureusement d'un serial killer. Là maintenant, notre palais nous emmène à la découverte d'une autre série qui est arrivée il n'y a pas longtemps, le 17 novembre dernier, et dont on parle beaucoup. Peut-être que je vous ferai un parloir dessus un jour. La série s'appelle 1899. Une série de 8 épisodes de 52 minutes, une série allemande par les créateurs de Dark. Vous vous rappelez Dark, une série à succès où on parlait d'un accident nucléaire dans une petite ville allemande et à la grisaille, voilà, c'était très sombre et tout. Là, on est aussi un peu dans cet univers très sombre, mais dans un autre monde, puisqu'il s'agit d'un bateau d'immigrés d'Europe qui navigue vers New York. Ils sont d'origine différente, mais ont tous le même rêve. Un autre navire est à la dérive en mer. Le voyage va prendre une tournure inattendue, puisque leur voyage va se transformer en véritable cauchemar. Des liens entre chacun des passagers vont être découverts, ainsi que de lourds secrets. C'est un peu un mélange si Titanic rencontrait Lost. C'est un peu ce qu'on peut lire ici ou là. Eh bien, je vous propose d'écouter la bande-annonce de 1899, cette nouveauté Netflix. Nous avons reçu une transmission il y a à peu près 6 heures. Nous pensons que cette transmission vient du Prométhéeus. Vous croyez que les passagers sont encore en vie? Je crois qu'il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé. On change de cap. Capitaine, mon frère et moi avons payé une fortune pour ce voyage. Pour rejoindre New York en 7 jours, sans détour ni escale. Où sont tous les passagers? Ô Saint-Esprit, puissions-nous être préservés du mal et de toutes les tromperies de ce monde. Tout ça n'a pas le moindre sens. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. Il y a quelque chose d'anormal avec ce bateau. There's too much confusion. Et voilà que la même chose nous arrive à notre tour. Nous devons au plus vite reprendre le contrôle du bateau. On est assis sur une poudrière qui ne demande qu'à exploser. On porte tous un masque pour tenter désespérément de masquer notre véritable personnalité. Tu devrais commencer par poser les bonnes questions. Il faut que tu te réveilles maintenant. C'est quoi cette sirène? Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Je sais ce que j'ai vu. Je ne suis pas folle. Enfin, qu'est-ce qu'il a, ce bateau? Voilà ce que nous annonce cette série 1899. Et pour l'anecdote, les deux créateurs donc de cette série, qui ont fait Dark, je vous le rappelle, Baran Bohodar et John Seyfried, expliquaient lors des interviews en présentant la série qu'ils avaient eu l'idée. L'idée leur était venue lorsqu'un jour ils ont découvert une photo dans un magazine d'un homme qui était couvert de sang et qui avait un marteau à la main. Et ils ont décelé dans le regard que cet homme portait sur son marteau, eh bien, quelque chose à découvrir. Voilà, comme quoi, quand vous voyez une photo quelque part, ça peut donner lieu à une série en 8 épisodes de 52 minutes. Et donc, avec ces deux bateaux, hein, d'un côté, le Kerberos, ce bateau classique qui vogue vers New York, et puis qui croise ce fameux bateau, le Prometheus, et qui va avoir ce bateau flotté qui paraît un peu étrange. Et comme chacun le sait, la curiosité est souvent un vilain défaut. Et s'aventurer pour voir s'il y a des passagers de ce bateau qui paraît complètement erré dans l'eau, sur la mer, eh bien, ça va être une mauvaise idée, un mauvais choix. Eh bien, ça va débouler sur plein d'aventures. Alors attention, c'est sombre, c'est un peu compliqué, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche dans les commentaires. Alors à mon avis, on aime ou on n'aime pas, il y aura certainement les fans et les détracteurs, mais je vous invite tous à vous faire une idée en regardant 1899. En tout cas, j'ai bien apprécié, moi, les musiques que l'on trouve dans la bande-annonce qui aussi dénotent un peu avec l'atmosphère un petit peu sombre de la série voulue par les protagonistes. En tout cas, c'est depuis le 17 novembre sur Netflix et c'est déjà dans les meilleurs visionnages. Donc, à découvrir ce week-end si vous le souhaitez. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette émission. Si on veut, on peut terminer avec une petite musique de Noël, hein, tant qu'on y est, hein, pour ouvrir la saison avec Måns Zelmerlöw. Et nous partons en Suède. Il y a Carola dedans, non ? Et Carola, voilà. Oui. Alors, non, c'est pas l'eau, c'est une chanteuse. Oui. Et voilà, c'est une création. On parlait de création en rantaine. Tu me vantais les mérites de Tom Anders qui, effectivement, a sorti un album de Noël il y a quelques années. J'avais oublié cet album de Noël, dont on découvrira plusieurs morceaux la semaine prochaine et dans les semaines à venir. Là, c'est aussi une création de Måns Zelmerlöw et donc Carola. Voici Let's Sing Christmas pour terminer l'émission. This holy night, don't you wish the world was warm as you and I? We sit by the fire, wrapped up in the joy it brings. Old songs by the choir, Merry Christmas, Merry Christmas. But what about lovers? Apart from each other this cold night, tell someone who suffers, Merry Christmas, Merry Christmas. So let's sing for the broken hearted. So let's sing for the broken hearted. It's Christmas Time, c'est sur cette chanson que l'on se quitte. Moi, je vous retrouve dans 20 petites minutes pour le Hot 40. Et bien sûr, avec Laurent, vendredi prochain, dès 18h. Passez un très très bon week-end. À bientôt, à tout de suite pour moi et un peu plus tard pour Laurent. Bye bye. Bye bye.